Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. La ruée vers les richesses vous distrait, jusqu'au bord de vos tombes, mais vous allez bientôt savoir. Oui, vous allez bientôt savoir. Si seulement vous pouviez savoir avec certitude, vous verriez alors l'enfer. Oui, vous le verriez, de vos yeux le verriez. Puis ce jour-là, vous serez certes interrogé au sujet des plaisirs.